Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Y'a peut-être quelqu'un qui s'est suicidé dans la baraque où tu vis. Y'a sûrement quelqu'un que tu connais qui pleure pendant que tu ris. Les animaux comprennent les hommes et peut-être pas le contraire. Le premier à avoir serré ta mère, c'est peut-être pas ton père. Je sais bien que parfois tu mens car t'es pas sûr de toi. Et que pendant que je parle avec toi, quelqu'un parle sur toi. Les diamants sur ta poitrine valent combien? Sache que les gens qui veulent ton cœur sont pas toujours les gens qui veulent ton bien. Pourquoi les gens pensent te connaître avec 2-3 questions? Pourquoi les gens que tu aimes sont pas toujours les gens que tu crois qu'ils sont? Un peu décalé, je pense. Tu sais que je suis parisien depuis le début du son, je fais que de parler des gens. Sur la rive droite, je vais m'ennuyer l'hiver. Sur la rive gauche, je vais m'ennuyer l'été. La ville m'a fait gagner des passe-droits illimités, mais m'a fait perdre mon immunité et mon humilité. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. T'es sûrement pas le premier que Panama usait. T'es sûrement pas le premier que ta femme a sucé, mais tu l'aimeras quand même. Tu lui dis qu'avant elle, t'as connu que 5 meufs. Si tu lui disais le vrai chiffre, elle tomberait en syncope. Trop d'ego, trop de fautes. Y'a tellement de gens que j'aime dans la vraie vie, mais que je déteste sur les réseaux sociaux. Arrête de faire le parrain, personne t'en voudra de pas être un voyou. On t'en voudra de faire le voyou si t'en es pas un. Sommeil inexistant, entre la play et l'ordi. Je me réveille d'une sieste où j'ai à peine dormi. Il est 6:30, perdu dans la rue. Comme un chèque en bois, je marche vers et au mur. Et je vois des gens bourrés, au 53, de la rue Quincampoix. Je pense à ma meuf, Miro le bif. Je suis censé être un mec de test, et là j'achète des jus bio à 9€ le litre. Je rêvais de quitter le quartier et remplir mes comptes. Maintenant que je suis devenu un bobo, je crois que j'ai honte. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre.